Chapitre 4 Les dessous de la gravité. Un soir que ses affaires l'avaient appelé à Paris, le notaire de Valsemey, après avoir dîné avec un client dans un cabaret des boulevards, sous l'influence de quelques bouteilles de pommard, s'était laissé entraîner dans une brasserie. « Tiens, le petit Desnoux !» La femme, qui avait ainsi salué son entrée, vint s'asseoir à sa table. Desnoux riait, très surpris. « Vous me connaissez donc ?»« Si je te connais, mon petit, et je te crois !» Et dans un flux de paroles, la fille, à moitié ivre, lui raconta que, partie du Valsemey, où elle était fille de ferme, et où ses parents habitaient encore, pour se mettre en place à Paris, elle était entrée en brasserie. Ça rapporte plus qu'une place, et c'est plus amusant. Mais tu paies encore une tournée, hein? Quelle rencontre, un pays! Et Maître Desnoux, gagné par l'ivresse, avait passé petit à petit son bras à la taille de la fille. Dites donc, Jeanne, si vous veniez faire un tour. Certainement, je vais demander la permission. Et puis tout bas, lâche ton ami. Le notaire et la fille, dans un fiacre découvert, montaient les Champs-Élysées. Et le papillotement des clartés de gaz, le bruit des voitures, le va-et-vient de la foule, la griserie des soirs d'été, la beauté commune de cette femme, avaient fait oublier à Maître Desnoux le train de minuit 25 qu'il devait prendre sans faute. Une folie, se disait-il, ni vue ni connue, je prendrai le train demain matin. En rentrant à Valsemey, dans la monotonie du trajet en wagon, il songeait à la fille étrange qu'il venait de quitter. Une chaleur lui fatiguait le cerveau, au souvenir de caresses inconnues jusque-là. Il avait un grand malaise, ayant laissé un peu de son cœur dans une chambre d'hôtel meublée. 15 jours après ce voyage, il vit entrer un après-midi dans son étude où il donnait des ordres assez clairs, une femme vêtue de noir, voilée, en grand deuil, dont il ne pouvait distinguer les traits. « Monsieur Desnoux, je désire vous parler. » Il fit entrer la dame dans son cabinet, alors elle leva son voile. « Vous ? Moi, mon gros chéri. Mais pourquoi êtes-vous à Valsemey ? » « C'est bien simple, ma mère vient de mourir. Mon père, qui est infirme à moitié, ne peut pas rester tout seul. Je profite de cela pour lâcher la vie que je menais là-bas, et qui ne me plaisait pas du tout. Et puis, je voulais te revoir. » « Chut, plus bas !» Moitié ennuyé, moitié content, le notaire lui prit les mains. « Ma fille, revenez demain, je serai seule, nous causerons. » Jeanne revint le lendemain. Elle apprit à Desnoux qu'elle venait de louer une petite maison, toute petite, à l'extrémité du bourg. Son père avait une rente de 400 francs. Elle allait se mettre à travailler, elle irait en journée, faire des raccommodages, et même la lessive s'il le fallait. Ce serait encore plus propre que de servir dans un café, n'est-ce pas? Et elle serait bien sage. Elle voulut alors faire une allusion au voyage à Paris du notaire. « Ah, non pas, dit Desnoux, Paris et Valsemey, cela fait deux. »« Je le sais bien, reprit Jeanne, car là-bas j'avais de l'argent, et j'ai tout dépensé ce que j'avais pour mon deuil et mon voyage, et il va falloir que je paye le loyer de notre maison. » Le notaire vit ce qui allait arriver, et regardant sa montre, « Ma chère amie, nous allons nous quitter, j'ai une affaire à régler. »« Moi aussi, reprit Jeanne, et tu seras bien gentil de me donner 100 francs, hein ?» Monsieur Desnoux faillit tomber à la renverse. « 100 francs, 100 francs, vous voulez dire me faire payer cher ?»« Quoi, ce n'est pas ce que tu crois, mon ami, c'est un service que je te demande, voilà tout. » Monsieur Desnoux s'exécuta, par crainte que Jeanne ne révélât ce qui s'était passé à Paris. Mais par malheur, cette femme voulut le remercier chaleureusement, et il oublia encore une fois sa dignité. Ce fut sa chute. Jeanne était dès lors sa maîtresse, le tenant par un silence qu'elle lui faisait payer, et par une passion qu'elle sut lui mettre au sang. Il fut convenu entre eux que pour détourner les soupçons, elle travaillerait comme elle l'avait annoncé, et viendrait en journée chez Madame Desnoux. Le notaire n'avait aucun remords à tromper sa femme. C'était rarement d'ailleurs. Jeanne ne venait que tous les 8 jours pour les raccommodages, et les jours de lessive, elle était chargée du linge fin. Dans le bourg, on ne se doutait de rien. On trouvait que la Parisienne était un peu délurée cependant, et le mercier avait raconté à tout le monde qu'il l'avait vue en compagnie du petit Laplace, assise sous un arbre au bord de la vivane au petit jour.